met un esclave, le plus esclave, c'est moi le maître. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas avoir des convictions comme chez les autres et ne pas commencer par les appliquer ce soir. J'ai fait une soirée de gueule hein, où j'ai invité Sankara, Nelson, Papa. L'espoir en miettes, on devait faire comme on a dit. Mais t'es parti, depuis j'ai plus le cœur à la fête. Mais t'es éloigné du Mikey. J'me pas ventré, kaki dans le maquis. Tard le soir, tu discutais avec des ombres, papa. Peut te connaître, j'ignorais même ton vrai prénom. C'est l'Afrique, ses trésors et ses mystères. Pas loin de chez vous, de l'autre côté de l'hémisphère. Sixième sens au périphérique de la démence. À te visiter, c'était pas vraiment des masses. Faut pardonner parce que la rancune est tenace. J'écoute des vieilles mixtapes de masse. Risperdal, amoindri, tu visais le Graal. On m'intègre à Kinshasa aux corruptions et viscérales. Beaucoup te regrettent, surtout ta main généreuse. J'entends ta voix quand je ferme les yeux. T'étais prévenu que politique est vénéneuse. J'aurais voulu qu'on cause de foot, de tes premières clubs, ton premier groupe. Des fois ton esprit se réveillait, plein d'anecdotes en bouche. Happy end, j'y croyais fort, j'en ai vu tant. Retrouver mes racines, c'est devenu une évidence. Dans nos têtes, c'est résident, tes villes. Devine quoi, je suis nostalgique de tes silences. J'écris ces mots pour réconforter la peine. Mes grands frères, c'est la même, je sais que ma tristesse est la tienne. Quand tout est glauque, vaut mieux repousser la haine. Je pense à toi tous les jours de la semaine.